On sait qu'il y a des craintes à Malartic face au projet de la minière Osisko. On sait que la minière là-bas veut opérer une mine à ciel ouvert de très grande taille. Et ce matin, on a décidé donc d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans la région de l'Amiante pour jeter un coup d'œil à ce qu'on a fait là-bas avec ce trou laissé par l'entreprise, la ville de Thetford Mines, qui a décidé de se servir de sa mine à ciel ouvert comme attraction touristique. On en parle avec Denis Bourassa. Il est directeur général de Tourisme Amiante. Monsieur Bourassa, bonjour. Bien, bonjour. Monsieur Bourassa, alors, au départ, là, lorsque l'entreprise minière a cessé ses activités, qu'est-ce que les gens voulaient faire? Comment les gens ont réagi? Alors, c'est pas tout à fait comme ça, puisque la mine fonctionne encore. Nous, c'est arrivé dans les années 85, quand les mines d'amiante, en général, il y en avait plusieurs en exploitation. On commençait à connaître des difficultés. Les gens ont commencé à penser au tourisme. Alors, ça fait une vingtaine d'années qu'on pense à ça. Et à l'époque, on avait établi des visites minières. Parce qu'on a une mine qui est opérée par la Mkrisotine, qui est sur le bord de la Grande Route, la route 112. Et c'était un geste naturel d'aller voir ce qui se passait là. Alors, on a fait des visites minières avec des autobus scolaires à l'époque. Et ça a grossi tranquillement, de telle sorte que en 93, on a acheté un autobus tout à fait modifié pour faire des visites minières. Depuis ce temps-là, il y a passé au-dessus de 150 000 personnes, soit en groupe, soit de façon individuelle. Ouais. Mais M. Bourassa, il n'y a pas eu de levée de bouclier, il n'y a pas des gens qui ont dit, comme c'est le débat, en tout cas, c'est le cas ici, il faut remblayer ce trou-là et il faut plus que ça paraisse, là. On a connu un petit peu ça, parce qu'à la même époque, j'arrivais, moi, à Tourisme Amiante, je m'en souviens très bien, il y avait un genre de morosité, les gens, les mines allaient mal, il y avait cette grisâtre dans l'esprit des gens, on voulait enterrer les trous, aplanir toutes les halles de résidus pour les recouvrir de gazon, et à cette époque-là, en même temps, les gens, il n'y avait rien pour observer la mine, à part les visites minières où il fallait payer, et les gens arrêtaient sur le bord de la 112, qui est une grande route, qui c'était dangereux, mais les gens arrêtaient pareil pour voir. C'est naturel de visiter un cratère. Et à l'époque, on avait, nous, contrairement un peu à l'opinion publique, décidé d'installer un belvédère d'observation qui est ouvert 7 jours par semaine. C'est tout à fait gratuit. Et il y a passé plus d'un million de personnes depuis ce temps-là. Il y a du monde presque en tout temps. Et je pense qu'en tourisme, une des choses qu'il faut faire, c'est de montrer aux autres ce qui nous distingue, ce qui fait qu'on est différent. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais vu des mines, qui n'a jamais vu ces immenses cratères, l'immense machinerie, c'est très gigant. C'est gigantesque pour les gens qui n'ont jamais vu ça. C'est un attrait naturel. Et nous, au fil des ans, le Belvédère d'observation, c'est devenu un peu notre tour Eiffel. Et le produit minier, c'est un produit qui attire des gens de Montréal, de la Montérégie et de tout le Québec. Parce que c'est un attrait qui est vraiment typique à chez nous, tout à fait comme chez vous d'ailleurs. Cela dit, il y a donc un potentiel touristique là, vous l'avez bien saisi. Est-ce qu'il y a encore des protestations? Non, maintenant, c'est et contrairement à ce qu'on avait pensé à l'époque, ça allait développer un magnifique sentiment d'appartenance. Il s'agit d'aller faire un tour en fin de semaine là, au Belvédère d'observation et d'écouter les gens parler. Alors, je pense que tous les parents et amis qui passent ici ont passé par le Belvédère. Tous les touristes, maintenant, c'est un incontournable. Et ça a développé un sentiment d'appartenance. Alors, tout ce qui était un peu gris dans la tête des gens pour ce qui est de ce spectacle d'exploitation minière. Mais aujourd'hui, je pense que les gens sont très conscients qu'on vient expressément pour voir ça. Là. En fin de semaine passée, il y avait un tournoi de ringuette, il y avait des équipes de Finlande qui étaient ici. Premier geste qu'ils ont fait, c'est de faire une visite minière. C'est tout à fait normal. Donc, vous en avez fait un attrait touristique et vous disiez ça attire bien du monde. Il y a, bon an, mal an, combien de personnes qui vont le visiter? Alors, à peu près, nous autres, 5 000 personnes, parce qu'on est un peu restreint à cause de la quantité qu'on peut faire, le nombre de voyages qu'on peut faire et le nombre de quantité de personnes qu'on peut faire. Mais il y a 5 000 personnes, bonhomme malin. Au Belvédère, on pense qu'il passe à peu près 100 000 personnes par année, là, étant ouvert jour et nuit. Et en 2004, on avait aussi installé des visites souterraines. On avait fait ça a connu un très beau succès. Ouais. Malheureusement, la mine a arrêté l'année passée. on a laissé monter l'eau. Alors, la mine est inondée aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et je me suis toujours dit, moi, quand on a un immense trou, un immense cratère, on n'a pas besoin de le creuser, c'est la compagnie minière qui va le faire. Il faut que la compagnie minière, par contre, soit très disponible, très réceptive à accueillir des gens et à mettre en des infrastructures qui vont permettre d'aller admirer là, ce gigantisme-là assez exceptionnel. Parce que c'est l'entreprise minière qui a payé les infrastructures? Pas nécessairement. On avait les deux paliers de gouvernement ont contribué. La compagnie avait aussi contribué, mais c'est surtout la carte blanche qu'on donne, cet esprit d'ouverture aux touristes, parce que les exploitations minières, normalement, sont là pour faire du minerai, mais si on donne un accès privilégié à un organisme touristique qui opère ces opérations-là, je pense que ça, c'est un geste important. Parce que ce que vous disiez en ouverture, pardon, c'est que la minière est toujours en activité. Oui, présentement, et ça c'est un plus, bien sûr, si on peut voir les camions, les pelles là, qui travaillent, que c'est vraiment un plus que ce soit une exploitation. C'est ça. Si ça l'est pas, ça reste quand même qu'il y a une interprétation à donner. On a un musée minéralogique et minier aussi là qui complète le tout. On a un forfait tout à fait spécial entre les deux, voilà. qui vient compléter toute l'information qu'on peut donner sur l'exploitation. Nous, ça fait 100 ans qu'il y a des mines ici, alors ça fait partie intégrante de notre patrimoine. Donc, c'est la mine souterraine qui est fermée et la mine à ciel ouvert continue en partie ses activités. Exactement. Bon. Il en reste une seule. Là, c'est la mine là, qui est anciennement dans le secteur Black Lake là, qui est en opération. Et si on veut mettre un chiffre sur tout ça, ça représente des investissements de combien? Vous avez dit, on est allé un petit peu partout, le gouvernement a aidé, mais pour se doter d'infrastructures touristiques comme ça, là, combien ça peut coûter? À l'époque, là, je parle de 1992, pour ce qui est du Belvédère, ça a coûté à peu près 450 000 $ avec un grand stationnement. C'est une structure métallique, là, importante, qui est encore en excellente condition. Le restant, on avait acheté l'autobus là, qui était à peu près de 150 000 $ à l'époque. Et le restant, c'est de l'opération, c'est simplement d'avoir du personnel là, pour guider tout ce monde-là et d'entretenir ça. Eh bien, Denis Bourassa, vous êtes directeur général de Tourisme Amiante. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Ben, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et peut-être, merci, peut-être que ça va faire germer des idées à Malartic qui, là aussi, on peut retrouver un musée minéralogique. Là aussi, il y aura un trou. Alors, peut-être que ça peut faire germer des idées et susciter un engouement touristique dans le coin de Malartic. Voilà donc... C'était René Bourassa de Tourisme Amiante pour jeter un peu un coup d'œil à ce qui s'est fait ailleurs. Dans la troisième heure,